Onibis. Ah ouais, je suis bim. Quelqu'un contient les jeunes des gros calibres. Gros calibre, nous aimons nos ma gros calibre. Fournis la pote ou check des noms ma gros calibre. Si on disponible, vini lécher coucoune la lip. Gros calibre, nous aimons nos ma gros calibre. Donne-moi ça. Mets en position de tap tap pour senti coque la quatre pattes. Mon gars fait patata pète, bad bitch, elle aime la levée. Fait qu'inquiète la pété sec. La bête ni chop peps, pas ni stress, c'est rien qui fesse. Faut check et bougla en laisse. Si j'ai dit coucou main ouvert, faut pas faire ma top, attends demain. On ni en gros calibre, rien qui joue en l'air, mon dieu. Dis-moi si miel là, il bon. Dis-moi si coucou la bon. Dis-moi si t'es une la bon. Il bon, il bon. Gros calibre, nous aimons nos ma gros calibre. Gros calibre. Fournis la cote ou check des noms ma gros calibre. Si ou disponible, vini lécher coucou la lip. Gros calibre, nous aimons nos ma gros calibre. Donne-moi ça. Pas ni chichi, c'est sex qui ni son love story. Babouga, c'est pin, adobe. Tsunami, montrez moi où ça pilote. Fais dis-moi en copilote. Senti l'autre, nous capoulot. Passe money en go cocotte. Vacances l'arrivée, et cocotte me zarasé. Bah moi anti-soucé. Kekek moi bien mouillé. Si Lolo a content, mais oui, la bête bien bandée. Moi même en zapparé pour plier Lolo en dé. Gros calibre, nous aimons nos ma gros calibre. Fournis la cote ou check des noms ma gros calibre. Si ou disponible, vini lécher coucou.